Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique en ce jeudi 22 mars. Il est 18h et nous sommes fiers d'être là. En fait, je suis fier d'être là cette semaine. Je serai seul avec vous pour parler nouvelles ludiques à Puissance Maximale. On vous rappelle que l'émission, c'est aussi un site internet au www.puissancemaximale.com. On a aussi notre page Facebook. Vous juste à taper Puissance Maximale, vous allez nous retrouver. Évidemment, il y a toujours le site de la station, CKIA FM 88.3 à Québec. Vous tapez le www.ckiafm.org. Vous pourrez trouver toutes les émissions de notre station ainsi que la section pour devenir membre. C'est le temps d'acheter votre carte de membre ou de renouveler celle que vous aviez déjà pour continuer à encourager notre station. Et comme je vous disais, aujourd'hui, nouvelle ludique, pas de chronique spécifique. On va commencer tout de suite en musique, par contre, avec une bonne chanson, une chanson qu'on retrouve entre autres sur le jeu Guitar Hero, si je me rappelle, Warriors of Rock, et c'est tiré de l'émission, de la populaire série animée Metalocalypse avec le groupe Deathlock, et la chanson s'appelle Bloodlines. Vous entendez ça à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Jean-Jean aussi écoute Puissance Maximale. Bonjour, ici Philippe Despa. We'll be right back. je m'appelle Isaac, j'aime beaucoup Maximal Sumo. Fin. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente chanson du groupe Deathlock avec Bloodlines. On y va en nouvelle ludique. Et oui, mesdames et messieurs, la semaine dernière, une nouvelle est tombée. La sortie de Diablo 3 a été annoncée par la compagnie Blizzard. Et oui, on devrait attendre ce jeu le 15 mai prochain sur nos tablettes. Mais il y a aussi le fait, encore une fois, on avait déjà déploré ça à l'émission, les sorties trop rapides de jeux qui vont demander des DLC ou des updates vraiment rapide pour corriger des problèmes déjà connus des développeurs, mais qui veulent faire une sortie rapide de leur jeu. On attend déjà depuis des années Diablo 3, mais là, Blizzard a décidé qu'ils allaient faire une sortie globale le 15 mai prochain, malgré le fait qu'il y a certains modes finalement qui seront pas opérationnels dès le départ, dont les fameux PVP, donc Players versus Players. Ça va attendre un petit peu. Donc, on va envoyer... Pour cette sortie-là, la plupart des gens à cette date-là vont pouvoir acheter une copie physique du jeu, mais certains pays vont seulement avoir accès à une version digitale, comme le Mexique, l'Argentine, le Chili et le Brésil, qui pourront seulement acheter une copie digitale de ce jeu-là à leur sortie, mais ils vont pouvoir avoir quelque chose de physique plus tard, donc le 7 juin. On parle, puis la même chose aussi pour nos amis russes qui pourront avoir accès au jeu Diablo 3 en version physique, donc avec le CD, le DVD entre les mains, seulement le 7 juin. On nous parle qu'il était pressé finalement de sortir le jeu parce qu'il y a beaucoup d'attentes envers ce jeu-là. On sait déjà qu'il va avoir une version collectionneur, une White Diablo 3 Collectioner's Edition. On n'a pas vraiment de détails pour le moment. On sait seulement qu'elle va être 100$. Donc on sait habituellement que les jeux de genre-là, la plupart des jeux maintenant neufs qui sortent sont à 60$, donc 59,99 plus les taxes. Et pour cette version collectionneur, il faut s'attendre à payer un beau 100$. Donc 99,99. Et même, je sais que présentement Blizzard avait annoncé depuis un certain temps un spécial. Donc finalement, si vous achetez une passe annuelle pour World of Warcraft, vous avez à avoir finalement un jeu gratuit de Diablo 3 pour les gros fans de Blizzard. J'avoue que ça peut être intéressant, ce qui n'est pas mon cas en fait. Diablo ne m'intéresse pas tant que ça. J'ai hâte de le voir quand même. Je suis curieux, j'ai joué aux deux beaucoup. C'est peut-être pour ça que j'ai pas tant hâte à voir le 3, mais j'ai hâte de le voir quand même, de voir ce qu'ils ont réussi à faire, s'ils ont peut-être pas révolutionné, mais amené quelque chose de plus au fameux type hack and slash qu'est Diablo 2, Diablo 3 prochainement. J'ai hâte de voir ça, mais juste pour vous rappeler que le spécial avec World of Warcraft va se terminer le 1er mai prochain, donc pendant le mois qui s'en vient, mois d'avril, pensez-y. Si vous êtes un gros joueur de World of Warcraft et voulez aussi jouer à Diablo 3, ça serait peut-être une aubaine finalement. Il y a un autre jeu qui va sortir la même date, malheureusement, je dirais, pour les développeurs de jeux là, ça va être le jeu de la série télévisée et des romans, bien entendu, Game of Thrones, qui est une série... qui est vraiment même beaucoup aimé des gens qui ont aimé les romans en tant que tels. Une belle adaptation à la télé, beaucoup de budget. On en a déjà parlé d'ailleurs à Puissance Maximale l'année dernière, une émission que j'aime beaucoup. Un bon scénario, un jeu d'acteur intéressant, un beau visuel, une histoire qui est vraiment une des très bonnes histoires type fantasy médiéval un peu. J'aime beaucoup. Le jeu, je vous ai dit, j'ai vu quelques... un peu de visuel, et je peux tout de suite vous dire, c'est intéressant, j'ai hâte d'y jouer, j'ai hâte de l'essayer. On parle d'un système, d'après ce que j'ai pu voir dans la description, un système qui ressemblerait beaucoup à Dragon Age 2. Le visuel ressemblait beaucoup à ça, côté système de combat, mais on va jouer deux personnages finalement qui vont s'allier avec d'autres personnages du monde de Westeros, où tous les personnages finalement vont aller vers une quête qui, il y avait pas beaucoup de détails encore, mais on sait que le jeu s'en vient le 15 mai. Je sais pas si c'est vraiment un bon move, parce que là, on a Diablo 3 qui est le jeu, je pense, qui va être le plus attendu en 2012, qui va s'en venir. On le sort la même journée. Ça va vraiment être des fans hardcore, comme on dit, de l'univers de Game of Thrones, de Song of Ice and Fire, qui va aller s'acheter ce jeu-là, un RPG, versus un hack and slash. On va voir. Mais bref, on souhaite bonne chance à ceux qui ont développé Game of Thrones. J'ai hâte de le voir. J'ai personnellement très hâte de l'essayer parce que je suis un nouveau fan grâce à la télésérie de l'univers de Game of Thrones. J'ai hâte de voir ça. Un autre, restons dans la dans la veine RPG, donc jeu de rôle. Il y a, on vous parlait de Baldur's Gate là, il y a deux semaines, je crois. Le site a été renouvelé récemment avec un genre de countdown. On avait des annonces bizarres sur le site. Et il y a effectivement ce qui s'en vient. En fait, c'est une version, une Enhanced Edition, donc une version améliorée de Baldur's Gate 2 qui s'en viendrait prochainement sur différentes plateformes. On n'a pas eu de détails par rapport à ça, mais on nous parle chez les développeurs de ce jeu-là, finalement, on va utiliser le même code source finalement que le jeu original, mais on va l'améliorer bien évidemment. On nous a pas donné de plateforme encore. Ça va être sûrement sur PC ou si elle avoir quelque chose sur console. J'ai entendu parler de version iPad, donc pour les fans de ce jeu-là qui sont équipés d'une tablette Apple. J'avoue que ça peut être vraiment intéressant parce que Baldur's Gate, on se rappelle, c'est un énorme succès. Il y a des gens encore en 2012 qui ne jurent que par Baldur's Gate pour le système de combat, l'histoire de ce jeu-là, et ça risque d'être un gros succès. Et en plus de ce, ben en fait, l'équipe qui développe ça, c'est Beamdog, et ils nous parlent déjà d'un projet, ça fait longtemps qu'ils nous en parlent, d'une suite, donc d'un Baldur's Gate 3. Ça fait longtemps que c'est dans leur c'est dans leur priorité. Ils veulent faire Baldur's Gate 3. Ils en parlent, ils en ont avec ce qui est sorti justement récemment avec une version enhanced, donc une version améliorée. J'avoue que tout le monde allait y penser, tout le monde veut avoir, mais il y a aussi, on en parlait aussi lors de l'émission, on en a parlé la première fois de Baldur's Gate, du retour de Baldur's Gate. Est-ce qu'on va avoir une version 4e édition de Donjons Dragons avec ce système-là, qui est déjà, touche beaucoup peut-être, un système à la jeu vidéo, où on va avoir quelque chose qui va ressembler plus à la 2e édition ou même à la 3e? Qui sait, on sait pas. J'ai bien hâte de voir ça, parce que moi, je suis un gros fan de jeux RPG, surtout sur PC. On en a parlé souvent là, de Skyrim, entre autres, là, ces temps-ci. J'ai beaucoup hâte de voir cette version de Baldur's Gate, d'y rejouer pour revoir des personnages que j'ai beaucoup aimés. On va continuer finalement en musique pour la prochaine chanson. On va aller voir un classique, en tout cas, ce que je considère un classique du cinéma, avec une chanson du film Desperado. La chanson s'appelle El Mariachi, interprétée par le groupe Los Lobos. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Bună ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place Puissance Maximal. Et oui, de retour à puissance maximale. On continue en nouvelle ludique, finalement. Et oui, je vous parlais de Baldur's Gate avant qu'on parte en pause musicale. Effectivement, c'est pendant une entrevue avec GameSpy que Cameron Taffer de Beamdog, donc la compagnie qui est en train de refaire les versions améliorées de Baldur's Gate 1 et 2, finalement, qui parle que effectivement, Baldur's Gate 3 est un projet qui leur tient à cœur, sauf que présentement, ils ont beaucoup de choses à faire par rapport aux prochaines versions qui s'en viennent, mais ils disent que logiquement, écoutez, on refait des versions de ces jeux-là, c'est logique que Baldur's Gate 3 s'en vienne. Pas de détails, malheureusement, mais les geeks fans de RPG sur PC n'ont qu'à bien se tenir. Ils se préparent, évidemment, on va voir ce que EA va faire aussi par rapport à ça, parce que... mais soyons, ayons l'espoir, chers amis. On continue en version RPG, encore jeu, une rumeur. Donc, un MMORPG dans l'univers d'Elder Scrolls. Et oui, il y a le site Tom's Guide qui nous rapporte que, selon lui, dit que quelqu'un, un participant de l'industrie, finalement, quelqu'un chez Bethesda, aurait rapporté qu'effectivement, présentement, il y aurait un univers MMORPG, donc sur Internet, qui serait en développement dans l'univers d'Elder Scrolls. On dirait que ça se passerait environ 1000 ans après les événements de Skyrim et même plusieurs d'autres centaines d'années après autres événements dans Tamriel, donc le monde où se passe finalement le monde de Elder Scrolls, où se passe toute l'action dans les jeux, mais et même que cette information leur a été corroborée par plusieurs sources. C'est sûr que j'ai quand même hâte, parce que vu la grosseur de l'univers, la grosseur de la carte de ce monde-là, toutes les possibilités, en tout cas en version seule sur le jeu traditionnel, ça pourrait être quand même très intéressant de jouer en MMO sur Internet, en gardant un peu l'esprit, parce que si on garde quelque chose à la World of Warcraft, on va perdre beaucoup de l'esprit. J'espère qu'ils vont aller chercher une formule intéressante qui reste dans l'univers de Elder Scrolls. Il y a des il y aurait des factions, si je me fie à ce qui avait été inscrit sur Internet là, dans les rumeurs qu'on a retrouvées. Donc il y a une faction, les lions, les dragons et les oiseaux de proie. Donc là, présentement, il n'y a pas de nom officiel. On dirait que ça serait une annonce officielle qui viendrait en mai. Qu'il y aurait une présence au E3 et à la QuakeCon. Bon, on ne peut qu'espérer, parce que quand même, l'univers d'Elder Scrolls est très, très, très intéressant. Mais encore là, moi, j'ai peur qu'en tombant dans la MMORPG, premièrement, qu'il n'y ait plus aucun NPC sur la map, là, parce qu'on s'entend qu'un des plaisirs pour les joueurs qui sont de nature méchante, donc les joueurs evil, ben des trucs qu'ils aiment beaucoup faire, assassiner le premier passant, les gardes, qui donc il n'y aura plus aucun NPC si on laisse ça ouvert aux joueurs. Mais j'ai hâte de voir, peut-être ça va être bizarre provenant de ma bouche, parce que j'ai beaucoup critiqué les développeurs de jeux qui allaient vers des modes multiplayer pour améliorer un peu le gameplay de leur jeu. Mais depuis que j'ai joué à Oblivion et Skyrim, je me demande pas si une version multiplayer, mais fermée, là, pas un MMO, mais multiplayer, chacun ses choix en LAN ou directement par Internet, juste deux joueurs ensemble, deux, trois joueurs qui préfèrent des quests à plusieurs, seulement eux, pas un monde ouvert à la MMO. Je me demande si ça serait pas intéressant. Moi, j'aimerais ça, tester ça avec des amis, une couple d'heures, là, tout le monde connecté sur Internet avec Skype. On va se faire des missions à gang sur cette map-là, sur la map de Skyrim ou n'importe quelle province de Tamriel, pour aller faire des quests seulement entre nous. J'aimerais beaucoup ça, essayer ça, plutôt qu'une version MMORPG, mais bon, laissons la chance aux coureurs, laissons la chance à Bethesda de nous prouver que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais bon, on va voir le mois de mai, on nous dit qu'il va y avoir des annonces au mois de mai, pendant le E3, pendant QuakeCon, donc on va attendre ces événements-là et le mois de mai pour en avoir le cœur net, mais j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Le jeu Shenmue HD serait prêt depuis un an. Et oui, mesdames et messieurs, chez Sega, on nous parle d'un succès, évidemment le succès Shenmue de la Dreamcast, une vieille console qui est prisée par les collectionneurs. C'était une bonne console, même encore aujourd'hui, c'est une très bonne console. Les collectionneurs recherchent cette console-là. Et le Shenmue, je me rappelle, c'était un très bon jeu, mais on nous parle d'un retour, peut-être, en fait, d'un retour certain de cette franchise-là sur PlayStation Network. Sauf que sur certains sites, en fait sur un site, sur le site Gamerzins, on nous rapporte que ça va arriver, que le retour de cette franchise-là s'en vient, mais même que c'est prêt depuis un an. Donc, c'est un peu plate pour les fans qui attendent ça depuis longtemps, sans qu'aucune rumeur vienne. Mais là, on dit que le jeu aurait été travaillé et serait prêt depuis un an à sortir finalement sur le réseau Sony pour pouvoir aller chercher ça sur votre PlayStation. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui s'en vient. Ça garantit pas, par contre, ce qu'on a pu lire sur le web, un Shenmue 3, malheureusement. Mais qui sait si la version HD de Shenmue 1 est bien vendue. Peut-être que ça va encourager les gens de Sega à nous amener une nouvelle version de ce jeu-là. Autre grosse nouvelle, écoutez, le retour de la console Neo Geo, mais portable. Et oui, on avait entendu des rumeurs, mais ça s'est confirmé récemment. Bref, une version portable, donc, de la console Neo Geo qui arriverait finalement avec 20 jeux classiques de Neo Geo sur une carte mémoire. Ce serait déjà tout prêt à l'achat. Ce que j'ai entendu sur Internet, par exemple, un 500 livres, donc environ 800$ pour cette console-là. Avec, en plus, j'ai entendu parler que ce serait une édition limitée. Il n'y en aurait pas pour tout le monde. Donc, ça va être les collectionneurs, ça va être les mordus, ça va être les maniaques de jeux vidéo rétro. Et j'ai vu des images de certains jeux, on se rappelle de la Neo Geo, quand même des jeux intéressants. J'ai hâte de voir les gens qui vont se permettre d'aller chercher ça. Puis en plus, ça serait dans pas très longtemps que cette console-là serait de retour. On l'appellerait la Neo Geo X. Donc, je sais pas si ça va être le nom officiel. C'est ce qui circule présentement sur Internet. Il y aurait même une possibilité de brancher cette console-là sur le téléviseur. Comme je l'ai dit, les prix, il y a des sites qui n'ont pas eu de prix. Il y en a qui avancent, c'est ça, un 500 livres anglaise, donc environ 800$ canadiens ici. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Moi, j'espère, je me suis inscrit sur le site là, disant que j'étais intéressé, puissance maximale, la presse, on va espérer qu'on va être assez big, assez KIA pour recevoir une console des développeurs, qu'on puisse tester ça pour vous et pour vous dire, allez acheter une Neo Geo X à fort prix pour vous, collectionneurs et maniaques. On va continuer en musique après cette grosse nouvelle finalement du retour de la Neo Geo avec une chanson, ma foi, une autre bonne chanson choisie par votre humble serviteur. On va retourner dans le métal, cette fois-ci dans la reprise d'une chanson que vous connaissez bien, en tout cas les plus nostalgiques d'entre vous, par le groupe Power Glove, et ce sera la musique de l'émission Power Rangers que vous allez entendre en version métal à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Jaune aussi, écoute, puissance maximale. Merci Jaune-Jaune et nous sommes de retour à Puissance Maximale avec d'autres nouvelles ludiques. On y va avec Capcom qui se met aux trousses des pirates. Et oui, récemment, on a découvert, certaines personnes ont découvert que sur le CD du jeu Street Fighter Cross Tekken, dont on a parlé, dont Andrew Castegan a fait une critique récemment, on a trouvé des traces finalement des DLC qu'on pouvait aller chercher. Donc, le contenu téléchargeable des jeux de ce jeu-là serait déjà sur le CD. Alors, il y a des gens qui en ont profité. Évidemment, des gens qui ont des consoles piratées ont pu aller débloquer ce contenu-là et utiliser des personnages, finalement, des personnages débloquables en achetant, finalement, ce contenu téléchargeable-là. Finalement, c'est un code qui vient débloquer tout ça sur votre CD. Et ils en ont profité pour jouer. Sauf que le problème, c'est que ces gens-là, je sais pas si on fait par exprès pour aller narguer les autres ou sont juste épais, ça se peut, ont utilisé ces personnages-là en ligne. Donc, ils sont allés jouer contre des joueurs sur les serveurs en ligne de Capcom et ils se sont fait un peu pogner. Donc là, présentement, Capcom, qui avait déjà lancé, parce que la nouvelle était sortie, évidemment, que le DLC, donc le contenu téléchargeable, les personnages débloquables étaient sur le CD, les gens l'avaient trouvé, donc étaient en train de débloquer ça par eux-mêmes avec leur console. Donc, ils étaient déjà en train de soudoyer les autres joueurs par les forums en disant, écoutez, si vous voyez des gens comme ça, et s'il vous plaît, nous envoyer des screenshots, donc des captures d'écran, pour qu'on puisse retrouver ces gens-là, les bannir, et leur barrer leur console, finalement, sur les réseaux. Sauf que ils ont même pas eu besoin de ça finalement parce que Microsoft est venu à la rescousse et a décidé de collaborer avec Capcom pour finalement arrêter ces méchants pirates. Ce que je trouve un peu dommage. Encore une fois, Capcom est un peu comme Sony finalement là depuis les derniers mois, dernières années. Capcom a toujours le problème de nous arriver, surtout dans ses jeux de combat, nous arriver avec des versions à gros prix. Tout le monde va aller acheter la première version qui sort, entre autres de Street Fighter 4. J'en pensais aussi à Capcom versus Marvel. Mais là, on se ramasse avec des jeux finalement quelques mois plus tard, la Ultimate Edition, ou dans Street Fighter 4, on les compte même plus, là, où les joueurs finalement, les gros fans, ceux qui ont payé le gros prix pour avoir la première version du jeu, mais se rendent compte qu'il y a des meilleures versions qui sortent avec d'autres personnages, même que des fois, ils se sont achetés les DLC sur les réseaux, ils ont payé encore plus pour leur jeu. Finalement, il y a des gens qui se ramassent avec la même copie qu'eux pour le 60$ qu'on payait au début, mais avec tout le matériel téléchargeable. Je trouve ça ridicule. On en a déjà parlé pendant l'émission de cette industrie finalement qui offre le moins finalement à leurs plus fidèles consommateurs. Mais on a encore une preuve ici, là, Capcom, c'est un peu même ridicule. Ils veulent, comme ils disaient dans leur communiqué, ils veulent faciliter les performances en mettant les trucs déjà sur les DVD pour les débloquer seulement avec un code. Mais je trouve un peu ça plate que les gens qui achètent le matériel, qui l'ont entre les mains, ont même pas accès à tout ce qu'il y a sur le DVD. C'est un peu ridicule. Donc Capcom, mais bon, c'est l'industrie, que voulez-vous, et puisque les gens continuent à acheter, mais les gens se plaignent pour des niaiseries, par exemple, vous allez voir ça plus tard dans une autre nouvelle, au lieu de se plaindre pour les vraies affaires. Mais là, on a des compagnies qui en profitent, donc Capcom, entre autres, et Microsoft, qui font équipe pour poursuivre les méchants hackers. Donc, Microsoft collabore présentement avec Capcom pour pouvoir bannir les consoles hackées finalement sur leur réseau de jeux en multijoueur. Donc, mais en même temps, quand on va craquer notre console, il faut être un peu conscient de ce que ça peut vraiment arriver. Ça, on l'encourage pas ici. On dit pas de craquer vos consoles, on fait juste dire que les compagnies qui ont déjà des contenus sur les CD qui ne rendent pas accessibles à tous leurs consommateurs sont un peu croches. Mais bon, donc soyez vigilants à tous ceux qui ont hacké leur console et qui en profitent pour jouer en ligne. Vous êtes surveillés par Capcom et Microsoft. On continue encore en nouvelles avec cette fois une plainte fédérale aux États-Unis contre Mass Effect 3. Et oui, plusieurs critiques depuis la sortie du jeu disant que la fin, une des nombreuses fins, doit-on le préciser, de Mass Effect 3 n'est pas bonne. C'est pas une bonne fin. Il y a plusieurs personnes qui vont se plaindre sur les forums. Bon, c'est quand même arrivé à un point tel qu'il y a une personne aux États-Unis qui a décidé de finalement faire une plainte au niveau fédéral, disant que il y a eu que BioWare, donc les développeurs du jeu, ont fait de la fausse publicité en parlant de leur jeu finalement, toutes les promesses qui ont été faites pendant les publicités du jeu. Ils disent que la personne en tant que telle dit que c'est trompeur, que la fin, ça va pas s'accorder avec ces prétentions-là de BioWare. Donc une plainte officielle, ce qui est un peu ridicule pour un jeu de 60$, aller faire une plainte au fédéral aux États-Unis. C'est quand même assez important comme geste, surtout pour une question de fin qu'on trouve qui est pas intéressante. On s'entend que c'est pas le dernier Mass Effect, on s'entend que c'est pas la seule fin non plus. Écoutez, moi personnellement je trouve ça assez ridicule. Il y a des gens qui ont du temps à perdre, qu'est-ce que vous voulez. On vous parlait aussi plus tôt il y a quelques semaines d'un roman de Mass Effect qui va avoir vraiment une update à la prochaine réédition de ce roman-là. Il y a des choses qui vont être changées parce qu'il y a des fans qui étaient pas contents. Écoutez, moi j'ai lu beaucoup de mauvais romans, j'ai étudié en littérature, puis je peux vous dire que j'ai jamais fait plaindre auprès des éditeurs pour dire que leur livre était pas bon. Je veux dire, on assume, ça se peut très bien qu'une œuvre soit pas bonne. Depuis quand on fait des plaintes aux éditeurs pour des livres, ben je trouve que c'est un peu la même chose. Et parlant justement de cette plainte-là que cette personne-là fait au fédéral, ben, imaginez-vous donc qu'il va avoir une update de Mass Effect 3 et qu'il va corriger certaines fins. Imaginez-vous. Donc, BioWare, il va vraiment... On va se plier, finalement. Je trouve... En même temps, on dit toujours que les compagnies sont pas à l'écoute des consommateurs. Là, peut-être que ça devient un peu ridicule. Pourquoi ne pas être à l'écoute côté économique, côté monétaire, côté qualité du produit, au lieu de nous amener, finalement, des updates qui vont corriger, entre autres, des fins qui ne plaisent pas à certaines personnes. Bon... Écoutez, c'est une nouvelle qui est sortie hier, correction, une update qui va sortir pour Mass Effect 3 prochainement. Donc, ça vient répondre finalement au feedback des gens sur Internet qui se sont plaints. Donc, il y a des producteurs qui ont décidé finalement d'aller de l'avant et d'amener des correctifs. Bref, le pouvoir du consommateur est là. Les gens de BioWare sont à l'écoute. Malheureusement, peut-être pas pour la bonne chose. On continue en musique après cette nouvelle qui est un peu farfelue quand même, avec les Colocs et la chanson Hong Kong Blues. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Busted in old Hong Kong. He got 20 years privilege taken away from him when he banged the old Buddha gong. Now he's playing the piano just to raise the price of a ticket to the land of the free. He says home is Frisco, where they send the rice, but really it's Tennessee. I need someone to love me, need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. I need someone to lend me a $50 bill and then I'll leave Hong Kong far behind me for happiness once again. Again, but when I tried to leave, sweet opium will let me fly away. I need someone to love. love me. Need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. Michael! Need somebody to carry me home to San Francisco and bury my body there. I need someone to lend me a $50 bill and then I'll leave Hong Kong far behind me for happiness once again. For happiness, happiness, happiness once again. Bonjour, ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale avec d'autres nouvelles ludiques. On parle de l'expansion de Dragon Age 2 qui a été annulée par l'équipe de BioWare. Malheureusement, ils sont présentement en mode futur avec la franchise BioWare, avec la franchise, pardon, Dragon Age. Ils veulent aller directement à un prochain opus au lieu de faire une expansion à Dragon Age 2 qui avait plus ou moins été bien accueilli par la critique. Moi, j'avais bien aimé quand même. Peut-être un peu trop linéaire, mais quand même intéressant. J'avais bien aimé le jeu. L'expansion qui devait s'appeler Exalted March a été annulée, malheureusement, par l'équipe de BioWare. Donc, on est en train de penser qu'ils sont en train de travailler, nous espérons, sur Dragon Age 3, parce que l'univers est intéressant, le système est intéressant. Certains, même, encore une fois, avaient critiqué un peu le changement de système de combat dans le Dragon Age 2. Mais moi, encore une fois, je suis à contre-courant, je suis un incompris, je suis en avance sur mon temps. Et j'avais quand même aimé un peu Dragon Age 2. J'avais bien aimé, je l'avoue. Mais bon, c'était pas la majorité, donc je me plierai à la majorité. Et voilà, c'est ce qui s'en vient pour le moment avec Dragon Age. On avait parlé d'une série animée qui s'en vient aussi, Dawn of the Seeker. Donc, on a parlé la semaine passée, une version animée japonaise de cette dans l'univers de Dragon Age. Mais bon, pour le prochain jeu, nous devrons attendre au numéro 3. Et une annonce a été faite pour la suite du jeu Epic Mickey. Donc, Epic Mickey 2. The Power of Two, qui s'en viendrait. On a Andrew Castegan qui nous avait fait une critique du premier jeu. Un jeu intéressant, il avait bien aimé ça, un peu, je pense qu'il me disait un peu court, mais le gros problème qui avait été critiqué, entre autres, par Andrew, mais aussi par pas mal toute la communauté gamer sur le net et partout ailleurs, c'était un gros problème de caméra dans ce jeu-là. Et les développeurs nous disent que dès finalement la sortie du premier et qu'ils savaient qu'ils allaient développer le 2, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bûché sur le problème de caméra. Donc, même, on nous dit qu'il y a au-dessus de 1000 changements spécifiques qui ont été faits pour la caméra. Donc, ils voulaient vraiment améliorer ce côté-là. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'on se rappelle qu'Andrew nous avait exposé un monde de Mickey intéressant qui nous amenait des vieux personnages aussi, des débuts des apparitions de Mickey dans l'univers de Disney. Donc, on va retrouver, entre autres, on va retrouver d'autres personnages, dont Oswald le lapin, et qui va être de retour. Je pense que même on parle de mode co-op aussi dans le jeu-là. On va avoir des décisions toujours qui vont affecter le monde. Il va inclure aussi de la musique. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner pour Epic Mickey 2, qui ne sera pas de retour sur la Wii. D'après ce qu'on nous dit, on avait eu, nous, une critique sur la Wii de la part d'Andrew. Mais là, on nous parle de PS3, de Xbox 360. Donc, nous verrons ce que ça va donner plus tard avec plus de détails sur la sortie de Epic Mickey 2, The Power of Two. Autre nouvelle, et ça c'est une nouvelle, mesdames et messieurs, je vais faire un coup de gueule assez puissant. Pour ceux qui me connaissent, qui suivent Puissance Maximale depuis un certain temps, savent que je déteste profondément le réalisateur, je n'oserais pas l'appeler cinéaste, Michael Bay. Donc, celui qui a remis les Transformers au goût du jour avec les Transformers 1, 2 et 3. Très, très, très mauvais. Selon moi, je suis un fan des séries animées des années 80, 90 de Transformers. Écoutez, moi, je suis un fanboy vraiment de la série. J'adorais les Transformers quand j'étais jeune. Et quand j'ai vu le premier, j'ai quand même osé écouter le 2, le 3. Non, tout simplement pas. Je ne toucherai pas à ça. J'ai été vraiment, vraiment déçu de ce qu'il a fait de l'univers. Et Michael Bay se prépare à salir un autre univers de mon enfance. Et je nomme les Teenage Mutant Ninja Turtles. Ils veulent faire un remake d'un live action il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas si longtemps encore, il y a un nouveau film animé qui était sorti, qui avait été quand même pas si mal. Mais là, on nous parle de Teenage Mutant Ninja Turtles qui va revenir en live. Mais ce seront des extraterrestres. Et c'est tout à fait vrai ce que je vous dis. Michael Bay a déclaré que dans le remake qui est annoncé pour Noël 2013, eh bien, on nous annonce des Tortues Ninja qui ont des origines extraterrestres. Et je sais pas pourquoi. Lui, ce qu'il dit, c'est que finalement... les enfants, écoutez, là je vous résume une citation là, que j'avais trouvée sur le net. Il disait, écoutez, les enfants vont voir ça, un jour vont penser que ça existe pour vrai. Vous allez voir en leur mettant une race extraterrestre, puis ça va devenir plus fun, plus, comme il dit, edgy, vraiment plus aimé finalement des Tortues Ninja. Écoutez, il y a eu une montée assez intéressante sur Internet, une montée aux barricades des fans des Tortues Ninja qui disent ne touchez pas à nos tortues. Et Michael Bay en a remis aujourd'hui une nouvelle. J'ai vu ça tantôt, elle va devenir en onde, une nouvelle citation de Michael Bay qui dit, écoutez là, les fans, calmez-vous, attendez de voir le script. Et là, je vous rappelle que c'est le même con qui pratique là, qui a fait nos Transformers là, 1, 2 et 3, là, qui nous dit que c'est meilleur là. Mais lui, il nous dit, calmez-vous, vous allez voir, le script va être bon, ça va amener un nouveau monde, quelque chose de plus intéressant. Vous allez voir, on va vraiment approfondir le monde des Tortues Ninja. Excuse-moi, Michael, et je sais que t'écouteras pas l'émission, mais écoute, pour ceux qui connaissent vraiment les Teenage Mutant Ninja Turtles, les BD d'origine sont très noirs, c'est violent. Il y a des thèmes très, très, très intéressants dans les origines. D'ailleurs, les premiers live action qui ont été faits dans les années 90 des Tortues Ninja, surtout le premier film, est beaucoup, beaucoup, beaucoup tiré des premières BD de ce monde-là. C'est pour ça qu'il avait été quand même, les fans de la série aiment ces films-là. C'est pas pour rien. Mais là, Michael Bay veut nous amener un nouveau truc. On vous rappelle, Monsieur Bay, que vous faites un remake des Tortues Ninja. Pas une réinvention. En plus, il est en train de nous dire qu'il travaille avec les créateurs originaux. C'est pas une raison, écoutez. T'as beau travailler avec les créateurs originaux, mais si t'écoutes pas ce qu'ils disent, puis tu fais à ta tête. Le problème avec les films de Transformers, c'est que c'est des succès commerciaux. Mais il faudrait commencer à arrêter de penser avec l'argent, puis faire des films intéressants. On a encore des preuves avec les films de super-héros. Il y en a quelques-uns qui sont super bons, mais il y a des flops. Il y a des trucs complètement inintéressants. Moi-même, j'ai été surpris d'avoir aimé Captain America, qui est un héros que j'aime pas du tout. Mais le film, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est, pour un film de super-héros, c'est un bon film. Mais là, Michael Bay, s'il vous plaît, Monsieur Bay, repensez à ça. Sinon, vous me donnerez une autre raison de vous détester. Donc, ne touchez pas à mes tortues, à nos tortues ninja. Et en espérant que... Mais déjà, je sais que c'est déjà une cause perdue parce que Michael Bay, peu importe ce qu'on va lui dire, lui va faire à sa tête, il va faire quelque chose de très mauvais. Donc, vous remarquerez que mon discours n'a aucune nuance, mais je m'en fous parce que j'aime pas Michael Bay. Donc, j'espère qu'il va pas trop massacrer les tortues ninja, parce que je sais qu'il va les massacrer de toute façon. On continue en musique après cette montée de lait avec une chanson qui s'appelle Down with the Sickness. Et non, ce n'est pas la version originale du groupe Disturbed, mais une version de Monsieur Richard Cheese qui refait des chansons populaires, des chansons métal, plein de chansons finalement à la sauce crooner américain. Alors vous entendrez Down with the Sickness avec Richard Cheese à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Mon nom est Benoît Cécile, animateur en dessin animé. Vous écoutez Puissance Maximale. Do you feel that? Oh, shit. mother, get up. Come on, get down with the sickness. You fucker, get up. Come on, get down with the sickness. Madness is the gift that has been given to me. I can see inside you the sickness is rising. It seems that all that was good has died. Oh no, the world is a scary place. Now that you've woken up the demon in me. Bobby, will you give it to me? 2, 3, 4. Oh. Get up, come on, get down with the sickness. You mother, get up, come on, get down with the sickness. You fucker, get up, come on, get down with the sickness. Open up your hate and let it flow into me. Why can't you just fuck up and die? Get down with the sickness. Fuck you, I don't need this shit. I'm down with the sickness. You stupid, sadistic, abusive fucking organ. Down with the sickness. Here it comes. Get ready to die. Get ready to die. Vous êtes à l'écoute de Puissance Maximale avec Franck Pithiot, invité d'honneur de Géanime 2012. Et oui, de retour à Puissance Maximale pour une dernière nouvelle, mais non la moindre, une nouvelle nous parlant du retour du jeu Dragon Lair. Et oui, pour les quand même vieux fans de jeux PC, puis il y a aussi qui a été sorti, je pense, sur Super Nintendo à l'époque, le jeu Dragon Lair qui était fait en animation. Vous jouez un chevalier et c'est un jeu fait, un des premiers jeux fait seulement avec des Quick Time Events. Donc, on rappelle, le Quick Time Event, c'est votre personnage avance, donc à tel moment, vous devez peser rapidement sur un bouton pour que votre personnage fasse le bon mouvement, la bonne action pour éviter souvent de se faire tuer d'un coup ou de subir des dommages. Bref, le Quick Time Event, un des premiers jeux, sinon le premier, qui a été sorti sur PC à l'époque, version animée, tout que des dessins animés, eh bien, on nous parle d'une version qui serait téléchargeable sur le le PlayStation Network, donc qui s'en viendrait prochainement, et aussi sur des versions, une version aussi Xbox, et on nous parlerait même d'une possible compatibilité avec le système Kinect. Je suis pas un gros fan d'Xbox, tout le monde le sait, je suis pas un gros fan de Kinect non plus, pour la simple et bonne raison que c'est souvent des jeux on rail, des jeux souvent trop statiques à mon goût, qui offrent peu de possibilités. Écoutez, je pense que ce jeu-là, ça serait très intéressant sur Kinect, et ça serait un des jeux que j'aimerais beaucoup avoir, juste pour ce jeu-là, l'essayer une fois. Essayer Dragon Lair, donc, avec des Quick Time Events, il faut sauter, il faut se pousser, il faut se baisser pour éviter plein de trucs. C'est un jeu qui était très difficile à l'époque, donc version Kinect, ça doit être très, très, très drôle à voir. Mais ça s'en vient. Écoutez, là, pour le moment, d'après ce que j'ai pu voir, il n'y a pas vraiment de date qui a été annoncée. Mais écoutez, moi, là, j'ai hâte de voir ça arriver. C'est ce que j'ai entendu parler, ce que j'ai vu sur le net par rapport à ce jeu-là. Écoutez, Dragon Lair, un classique pour les joueurs. Surveillez ça sur Internet pour une prochaine sortie sur PlayStation, sur Xbox. Peut-être une nouvelle édition sur PC, qui sait, on verra. Et voilà, Dragon Lair qui s'en vient peut-être prochainement, là, sur nos systèmes de jeu. Et voilà, c'est maintenant malheureusement la fin de Puissance Maximale pour cette semaine. Alors je voudrais remercier monsieur Olivier Marcoux qui a fait la mise en onde cette semaine pour moi, parce que monsieur Andrew Castagan n'était pas là cette semaine malheureusement, mais on va le revoir la semaine prochaine. Mon nom à moi, c'est Mickaël Michaud, toujours content d'être à Puissance Maximale pour vous servir, chers joueurs. On vous rappelle, comme à l'habitude, que Puissance Maximale, c'est un site internet au www.puissancemaximale.com. Et il y a aussi une page Facebook, donc vous tapez Puissance Maximale sur votre barre de recherche Facebook pour nous retrouver. Évidemment, on vous invite à aller visiter le site www.ckiafm.org pour vous abonner, pour devenir membre finalement de CKIA. Ou même, vous êtes déjà membre, vous avez un petit 20$ là, de trop, vous savez pas quoi faire avec, un petit don, toujours par PayPal, c'est toujours intéressant. Vous pouvez passer par le site ou communiquer avec les gens sur le site pour faire un don ou seulement prendre votre carte de membre. Et on vous invite à rester à l'écoute pour l'émission La Bande Originale avec Monsieur Benoît Quentin pour encore de l'excellente musique de film. Alors, on vous remercie et passez une bonne semaine de jeu. Je